l'humanité sera rendue complète, totalement complète, à l'ère du règne, quand l'œuvre de conquête sera achevée. Ils passeront par l'épuration et la tribulation, quand la conquête sera faite. Ceux qui vaincront et témoigneront dans cette tribulation. Oh, ils sont ceux qui finalement seront rendus complets et ils seront les vainqueurs. Pendant toutes ces tribulations, l'homme devra être épuré. C'est le dernier temps de l'heure de Dieu, la dernière épuration de l'homme avant la fin de l'œuvre de gestion de Dieu. Tous ceux qui suivent doivent accepter ce test. Ceux qui vaincront et témoigneront dans cette tribulation. Oh, ils sont ceux qui finalement seront rendus complets et ils seront les vainqueurs. Ceux qui sont dans la tribulation n'auront pas la direction de Dieu ni l'œuvre de l'Esprit. Mais ceux qui sont conquis et cherchent Dieu tiendront bon. Peu importe ce que Dieu fera, ils ne perdront pas leur vision. Ils garderont la vérité, témoigneront, ils émergeront. Ceux qui vaincront et témoigneront dans cette tribulation. Oh, ils sont ceux qui finalement seront rendus complets et ils seront les vainqueurs. Les vainqueurs.